Demain, mardi, à la médiathèque de Saint-Benoît, de 8h à 12h30, puis aussi à la mairie du Tampon, de 8h30 à 12h30, là aussi. Nous avons un rendez-vous également pour le mercredi, c'est à la médiathèque de Sainte-Marie, cette fois-ci de 8h30 à 13h. Il y a Gamvert, le portail à Piton-Saint-Leu, de 12h30 à 17h. Jeudi, collecte de sang, toujours à la mairie de Brapanon, de 8h à 12h30, et à Auchan-Saint-Louis, de 12h30 à 17h. Et vendredi, au conseil départemental de Saint-Denis, de 8h30 à 12h30, et au parking rue Magalon à Saint-Paul de 9h30 à 14h30. Réunion première. Cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Alan Walker sur la première. Bonne fin de matinée. Dans deux minutes, il sera midi. Le journal de la rédaction avec Philippe Dorny. raison. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. La nouveauté vacances du moment, il s'appelle Souffle avec Mi Amor sur la première. Réunion première partout sur l'île, merci de votre fidélité et bonnes vacances pour celles et ceux qui peuvent se le permettre très rapidement, avec beaucoup d'avance peut-être pour certains. Il est midi. Le journal de la rédaction, Philippe Dornier, bonjour Philippe. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Des dizaines de morts, beaucoup de blessés et des témoins en état de choc. Bilan fictif de deux exercices antiterroristes ce matin à Saint-Denis et Sainte-Marie. Une fausse attaque au parc des Expos du Chaudron, une autre au Cinépalme. Test instructif pour les forces de l'ordre. Ambiance dans un instant. Fumée blanche à Bois-Rouge, démarrage de la campagne sucrière dans le nord et l'est. Sans couac ou presque et en douceur. 5000 tonnes de canne traitées pour cette première journée, moitié moins qu'en pleine saison. La CGTR se défend après les accusations de corruption au Conseil des Prud'hommes. En cause, trois membres de la Confédération, son secrétaire général Yvan Ouarau sera l'invité de ce journal. Et puis l'Euro 2016 de football, quel adversaire pour l'équipe de France en quart de finale, l'Angleterre ou l'Islande? Réponse la nuit prochaine. Dimitri Payet et ses coéquipiers ont fait vibrer les supporters réunionnais hier soir. Reportage en fin d'édition. Philippe Dornier sur Réunion Première. Personne ne le souhaite, évidemment, mais une attaque terroriste peut se produire à tout moment, à La Réunion, et mieux vaut s'y préparer que de faire comme si la menace n'existait pas. C'est d'ailleurs une obligation depuis les attentats qui ont ensanglanté Paris en 2015, des tragédies qui ont obligé les forces de l'ordre à imaginer de nouvelles stratégies d'action pour répondre à cette terreur de masse. Ce sont d'ailleurs deux massacres virtuels qui ont été orchestrés ce matin au Cinépalme à Sainte-Marie et un petit peu plus tôt au Parc des Expos de Saint-Denis. Les zones d'exercice ont été bouclées pour permettre l'intervention des secours et des 70 policiers et des 80 gendarmes. Répétition générale sous les yeux de Daniel D'Ambreville au Parc des Expos du Chaudron. Trois hommes lourdement armés viennent de surgir dans la salle de conférence où sont présentes 200 personnes. Avant d'entrer, ils ont abattu le vigile. À l'intérieur, des coups de feu, des cris, une panique suivie de très près par les observateurs de la police. Il s'agit d'un exercice grandeur nature. Jean-Marc Courtois, commandant en chef d'état-major de la direction départementale de la sécurité publique. L'intérêt, c'est d'une part de pouvoir déjà travailler sur le regroupement des moyens, travailler sur la coordination entre les primo-intervenants, les unités BAC qui sont plus spécialisées et le GIPN qui, lui, effectivement, est la force d'intervention sur ce genre de situation. Force de l'ordre, un PC de commandement et d'urgence est installé sur un parking comme pour de vrai. Les otages tentent une sortie désespérée. Un preneur d'otages tire, il est abattu par les forces de l'ordre. Les victimes, elles, toutes élèves infirmiers en deuxième et troisième année, jouent à la perfection leur rôle. Je suis décédée. En fait, j'étais dans la salle et quand en fait ils sont arrivés, donc j'ai essayé de m'évader et je suis décédée par hémorragie. Vous êtes quoi ? Décédé. Finalement, les fausses victimes seront libérées par les hommes du GIPN après plus d'une heure et demie de fausses paniques. Vrai faux bilan provisoire de la prise d'otages, une trentaine de tués, presque autant de blessés en état d'extrême urgence. Les trois preneurs d'otages, eux, seront abattus. Un portait une ceinture d'explosifs. On aura donc éviter le pire. Et pour éviter le pire, les autorités comptent de plus en plus sur les policiers de premier secours, ceux qui interviennent dès l'alerte donnée au 17. Sur ce point, la simulation de ce matin a été plutôt satisfaisante. Confirmation avec Arnaud Garnier, directeur départemental adjoint de la sécurité publique. C'est un exercice qui est très riche d'enseignements, qui est très formateur pour tous ceux qui ont y participé. Tout n'a pas été parfait, mais il y a beaucoup de satisfaction à plusieurs niveaux, des grandes satisfactions, oui. C'est-à-dire que les premiers policiers, notamment, qui sont intervenus, ont des moyens d'intervention et de protection qui sont limités. Et malgré tout, on les a vus véritablement se protéger. Ils ont pris les bonnes décisions entre des prises de risques qui étaient justifiées et nécessaires, sans s'exposer inutilement. Premier équipage, ils sont trois. Ils ont eu des décisions à prendre. Ils interviennent sur un appel 17 avec des informations parcellaires. Ils ont eu des décisions à prendre et ça a été comme ça jusqu'au bout. Arnaud Garnier, directeur départemental adjoint de la sécurité publique au micro Réunion Première de Daniel Domreville. Deux exercices qui ont perturbé les habitudes des riverains, aussi bien du parc qu'au Chaudron. Certains surpris, d'autres pas avertis. En tout cas, il y a eu de sérieux embouteillages dans le quartier de Duparc et celui du Chaudron ce matin. Vous écoutez Réunion Première, 12h05, la suite du journal, Philippe Dornier. Le balai des tracteurs et des cachalots a repris à Bois-Rouge ce matin, dès 6h. Les planteurs venus de Sainte-Suzanne, de Beaufont, d'autres de Sainte-Rose ont pu livrer les premières cannes de la saison. Seul couac à signaler en ce début de campagne, la quarantaine d'agriculteurs du secteur de la Mare restés sur le carreau. La construction d'une nouvelle plateforme de réception n'est pas encore achevée. Ils pourraient être obligés d'attendre 2 semaines avant d'acheminer leur premier chargement. Hier, la CGPER du coup a manifesté son inquiétude. Les usiniers, eux, se veulent rassurants, à l'image de Florent Thibault, le directeur agricole de Tereos Océan Indien. Il y a eu un engagement entre les planteurs industriels et l'État pour dire qu'il faut maintenir l'ensemble des centres de réception de l'île. Et donc la Mare, qui était un cas spécifique, va être reconstruit. Mais l'État a été un peu long à instruire le dossier, ce qui fait qu'on a eu une réponse pour la construction de la Mare tardive. Donc on risque d'être en léger décalage sur le centre de la Mare. Par contre, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la Mare sera opérationnelle au cours de cette campagne, ce qui n'était pas le cas l'année dernière et ce qui n'était pas le cas l'année d'avant, où on travaillait avec une balance qui était dégradé par rapport à un mode de réception habituel. Donc là, quand même, les planteurs peuvent se réjouir du fait qu'ils auront une balance fonctionnelle sur ce site. Elle va peut-être être légèrement décalée par rapport à l'ouverture, mais de toutes les façons, on rattrapera effectivement tous les volumes et on ne laissera pas de canopier à la Mare. Florent Thibault, représentant des industriels sucriers, interrogé par Olivier de la Réchaudie. Pour ce premier jour de campagne sucrière dans le bassin nord-est, 5000 tonnes de canne seront réceptionnées contre 10 000 en pleine campagne. Le processus de production sucrier devrait être lancé en début d'après-midi et l'usine atteindre sa vitesse de croisière d'ici mercredi. Soupçon de corruption au prud'homme, c'était le gros titre du GIR vendredi dernier. Nos confrères expliquaient ce jour-là que plusieurs juges siégeant au conseil prud'homal de Saint-Denis interviendraient en faveur de salariés. Ils les conseilleraient moyennant rétribution. Une enquête a été ouverte par le parquet et une juge d'instruction est chargée des investigations. Une affaire dans laquelle seraient impliqués des membres de la CGTR. Son secrétaire général, Yvan Ouarot, est en ligne avec nous ce midi dans le journal. Bonjour. Bonjour. Comment vous réagissez, Yvan Ouarot, à cette affaire ? Ben, je note déjà que l'article du GIR vient d'une violation du secret d'instruction. Donc il y a une violation du secret d'instruction. Ça, c'est déjà un premier point sur lequel nous condamnons. Ça, c'est un premier point. D'autre part, par ailleurs, l'article fait état de pratiques, notamment, on parle des 10%. Quand un salarié a eu gain de cause, sur la base du volontariat, donc d'un don, il participe, s'il le veut, au fonctionnement du service juridique de notre organisation. C'est une pratique qui est connue et sue de tout le monde. Là, il semble que ce soit que ce soit une pratique qui se soit systématisée. C'est une pratique qui est sue et connue de tout le monde. C'est une pratique qui est largement partagée. Et c'est une pratique qui, moralement et vertueusement, n'a aucun côté répréhensible. Il s'agit simplement de participer au financement du service juridique des organisations syndicales pour couvrir en partie, je dis bien en partie, les frais occasionnés. Parce que nous mettons des gens à disposition des salariés, nous mettons des défenseurs à disposition des salariés, donc pour permettre, encore une fois, sur la base du volontariat et d'un don, à quelqu'un qui a eu gain de cause, c'est ce qu'il a été soutenu par la CGTR, de pouvoir participer au financement du service juridique de notre organisation. Il n'y en a rien de répréhensible. La morale n'est absolument pas en cause. Est-ce que la CGTR va se porter partie civile pour avoir accès au dossier ? Écoutez, nous attendons pour l'instant de savoir encore un peu plus, parce qu'encore une fois, ce que je note, c'est qu'il y a une violation du secret d'instruction, et à partir de là, un article qui met entre guillemets, qui cite des personnes. On ne sait pas du tout qui dit quoi véritablement, ce qu'il y a au fond du dossier. Nous attendrons d'en savoir un peu plus et après nous aviserons. Est-ce que donc qu'est-ce que vous envisagez pour la suite justement ? Bah écoutez, encore une fois, je vous le dis, nous, notre problème, c'est d'attendre un peu s'il y a une information judiciaire. Je pense que le magistrat instructeur viendra certainement, nous contactera pour avoir des éléments éventuellement. auquel cas là, ben, nous habiterons. Mais pour l'instant, nous sommes face à des on-dit, nous sommes face à des fuites, nous sommes face à une violation du secret d'instruction, nous sommes face à des accusations, c'est toujours au conditionnel, entre guillemets, entre bémols, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et vous n'avez pas peur que ça jette le discrédit sur l'institution ? Ben, je pense que on jette le discrédit sur l'institution. Quand on dit qu'il y a abus de position de magistrat, on fait fi de la composition paritaire des tribunaux. Donc, véritablement, j'ai le discrédit sur l'institution prud'homale, sur le paritarisme, mais ça, il s'agit d'une vieille lune réactionnaire. Depuis des décennies et des décennies, on veut casser les prud'hommes. Donc là, certains pensent pouvoir casser les prud'hommes par le biais de la CGTR, ça leur fait des gores, ils en sont contents, libre à eux. Mais je pense qu'effectivement, au-delà de la CGTR, c'est la fonction, le tribunal prud'homale qui est remis en question, et notamment au travers de l'aspect paritaire. Yvan Waro, merci d'avoir été en direct avec nous dans ce journal, d'avoir réagi à cette affaire. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CGTR. La tension reste vive à Mayotte. Les villageois expulsent depuis le début de l'année eux-mêmes les personnes qui squattent sur leur terrain, d'où l'urgence à sortir de l'impasse du problème foncier. C'est un rapport de la délégation à l'outre-mer du Sénat qui l'indique d'ailleurs. Les sénateurs proposent de développer la culture de l'acte authentique pour sécuriser les transactions immobilières ou ériger en délit la non exécution d'une décision judiciaire d'expulsion. Surtout, il propose la mise en place d'une commission de l'urgence foncière. Elle serait chargée de régulariser les titres de propriété sur une période de 10 ans. Explication du sénateur et coordonnateur du rapport, Tani Mohamed Swahili. Pour Mayotte, effectivement, il y a deux directions. Une commission de l'urgence foncière pour permettre, en l'espace d'une décennie, de terminer la régularisation foncière et que chaque Mahorais, qu'il se trouve en indivision ou qu'il se trouve dans la zone des pas géométriques, puisse avoir sa parcelle individualisée et ne puisse plus rencontrer des problèmes pour construire et pour qu'on puisse construire les infrastructures, les écoles et toutes les infrastructures publiques. Et en quoi consisterait cette période transitoire d'une dizaine d'années ? Cette période transitoire consisterait à régulariser en masse, quitte à se déplacer dans les communes pour aller voir concrètement comment se posent les difficultés sur le terrain et que les personnes qui interviennent dans cette commission puissent se déplacer pour aller voir de visu et régler plus facilement les problèmes. Le sénateur de Mayotte, Tani Mohamed Swahili, propos recueillis par Serge Massot. Si vous aimez le foot, vous savez déjà ce que vous ferez dimanche prochain à 23h. Sûr que vous ne raterez pas le quart de finale que disputeront les Bleus au Stade de France. Contre qui ? On le saura ce soir au terme d'un match où l'Islande rêve d'imposer un Brexit footballistique à l'Angleterre. La France, elle, savoure son succès d'hier soir contre l'Air 2-1. Une rencontre que vous avez été nombreux à suivre sur écran géant, dans un bar par exemple. Olivier de la Richaudie s'est rendu dans une brasserie du centre-ville de Saint-Denis. La France en quart de finale de l'Euro de football, c'est l'explosion de joie chez les supporters tricolores. Il fallait s'y attendre, hein. Après les Anglais, c'est les Irlandais qui sortent de l'Euro. Hein. Et si certains se permettent de fanfaronner, c'est certainement pour oublier le cauchemar de la première période. À la deuxième minute de jeu, l'Irlande ouvre le score sur un pénalty. Ils ont trois gauchers en phase offensive, ils font un centre, un défenseur qui glisse, et après la faute débile de Pogba, c'est triste. Malgré une première période poussive, les supporters veulent tout de même croire à la victoire. Physiquement, ils sont menés, donc ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Là, on voit bien, il y a plus d'occasions pour la France. La France se montre plus dangereuse. Là. Le sursaut tricolore ne tarde pas. À la 58e minute, Antoine Griezmann égalise et délivre les supporters. On respire, c'est difficile, mais je pense que ça se terminera quand même par une prolongation. Un partout, mais victoire de la France à la 112e minute. But de Payet. Mais c'est encore Griezmann qui amène la joie dans le cœur des passionnés. Il creuse l'écart 3 minutes seulement après son premier but. Antoine Griezmann, l'homme du match. Pour autant, les Réunionnais restent fidèles à l'enfant du pays, sûr d'assister à ses prouesses au prochain match. Dimitri Payet qui donne rendez-vous à ses supporters. Donc dimanche prochain, ce soir, il y a aussi une très belle affiche à suivre. C'est le choc entre l'Italie et l'Espagne à partir de 20h, heure de la Réunion. Du foot toujours à la Réunion avec la fin hier de la 8e journée de D1R. Victoire de la S Sainte-Suzanne sur la Saint-Pauloise 2-1, le même score que l'équipe de France. Victoire de la Petite-Île face au RC Saint-Benoît 2-0. Enfin, la Saint-Louisienne a fait match nul 1-1 sur le terrain de Sainte-Marie au classement la Saint-Pierre. Tiroise est toujours en tête avec 5 points d'avance sur l'Excelsior. Réunion première, midi et 14 minutes. Que se passe-t-il en France et dans le monde? C'est France Info qui nous dit ça. Une bataille perdue pour l'écologie, dit ce matin la députée Cécile Duflot. Une défaite, un résultat difficile à encaisser. Avoue de son côté le patron d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand, qui était notre invité ce matin. Réaction à la victoire du oui au référendum local sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. François Hollande se félicite du succès de la consultation et promet que le résultat sera respecté. Quant au Premier ministre Manuel Valls, il précise que les opposants au projet, ceux qui occupent le site du futur aéroport, devront plier bagage avant le début des travaux cet automne. Les législatives en Espagne, hier, victoire du Parti Populaire, le Parti Conservateur, le parti du chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, qui réclame ce matin le droit de gouverner. Il consolide sa position avec 137 députés, 14 de plus que lors des élections de décembre. Le Parti Socialiste perd 5 sièges et la coalition concurrente de gauche, Podemos, obtient le même nombre de sièges qu'en décembre. Et puis les footballeurs français connaîtront leurs prochains adversaires ce soir à l'issue du match entre l'Angleterre et l'Islande à 21h. Dernier match des 8e de finale avant à 18h. Vous pourrez aussi suivre toujours en direct sur France Info, Italie-Espagne. L'info revient à 13h. Et retour de l'actualité locale à 17h cet après-midi. Bon appétit si vous avez déjà attaqué le déjeuner. Tout de suite, Lionel Olivier, c'est encore mieux en première. Avec un petit coup d'œil sur la météo, merci Philippe. Cet après-midi, le temps reste plutôt clément avec des paquets nuageux le long des remparts ainsi que dans les hauts de Saint-Paul qui débordent le long du littoral. Mais les ondées restent isolées. Les températures restent un peu plus fraîches que les normales saisonnières. Le vent de sud-est reste modéré assez fort avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h vers Saint-Pierre et Sainte-Marie. Les brises sont présentes le long des plages de l'ouest et en baie de Saint-Paul. La mer aujourd'hui est peu agitée, à agiter au vent et retenez toujours ce train de houle d'Alizé de secteur est-sud-est modéré de 2 mètres à 2,50 mètres ainsi qu'une petite houle résiduelle de sud-ouest le long des rivages ouest et sud. Jean-Claude Machir sur Réunion Première. Pendant les vacances, je vous emmène au marché forêt. On peut faire avec le sud, avec le sel. Lundi au vendredi, dans la joie, la bonne humeur. Les bons produits de la Réunion. Mélange de tangor et d'orange. 6h20, 5h45. Le matin, bon petit jus pressé. 9h55, 10h28. Y'a rien de mieux. Ah, pas de table, bonne note. Là, les bons là. Ah, ben ça. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50. 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Il fait plaisir, voir à vous préparer un bon curry, mon chéri. Oui, un curry, il faut préparer un lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Il n'est pas automatique? Non, il faut vous déposer votre dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, vous serez sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960 et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel local. Bon lundi et bonne pause midi avec la première à suivre les dernières technologies, les tendances du multimédia avec Pascal Rizzo pour Connect Première. On parlera du vilain petit canard du web, le système Flash. Tout de suite, c'est Tuguna. Samaloya, c'est tout de suite sur la première. Bonnes vacances avec nous. Samaloya, Samaloya, Satoulé. Hear the voices calling for the freedom rising. The hope in you, will come is my mind. No night without the present in you, for giving me love and light, my freedom, my freedom. I'm still free, so I'm gonna keep on talking out loud. Hey,

I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Pour caler, on nous dit tout le temps, sans bien gazer toi. Non, il y a ta pas. première depuis sa création, le groupe Fanny Melody qui s'est donné comme objectif de participer et même de contribuer au développement de la musique réunionnaise. Et pour ce faire, la formation qui effectue un travail de création autour du Sega et du Maloya provenait avec un instant d'ensemble Fanny Melody sur la première. Un jour levé côté, on doit tous en s'imposer. En genre de poésie, moi c'est la vive et pure sweet. Hey. Parlez-moi de vous, dis-moi 100% parler. M'en tout paraît autant. Alors laissez-moi dire princesse, que l'amour peut pas en faiblesse. Pas ni fatalité dans solitude. Dis-moi si ou bien paré pour bail, allez. Ça no limits, c'est ton boulot. Et n'a pas moins, tant pour nous en point là. Qu'on rebelle, pour love on the dance floor. Nous cache à louper, nous c'est le monde. Nous savons c'est où moins content. You got me, I got you. Équipé illusionné, je dérive vous dévirer en laissant où t'es pensé. Tout paraît vérifier si nous marchons ensemble. Allez, la vie qui prend bel goût. Alors laissez-moi dire, princesse, on y en tchoulant mon couban. On va couper tout ça en chance ou save. Et rive là, y'a pas nous pour aller. Ça donne l'idée. Stank, do the stanky leg. Stank, stank, do the stanky leg. Stank. the stanky leg. Stank, stank. Do the stanky leg. Stank. Do the stanky leg. Stank, stank. Do the stanky leg. Stank. Do the stanky leg. Stank, stank. Now break your legs. Break 'em. Break your legs. Break the knot. Tell 'em break your legs. Break 'em. Break your legs. Break the knot and break your legs. Break 'em. Break your legs. Break the knot and break your legs. Break 'em. Break your legs. Break the knot. Now watch me bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Bop, bop, bop, bop, bop, bop. Now I need bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Now watch me whip, hey. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me. Nos premières, c'était le tube de l'année 2015. Rappelez-vous de Silent Hill, le rappeur de 18 ans qui ne s'attendait pas à un tel succès. Et du même coup, eh bien, même un professeur l'a repris récemment pour faire chanter et danser ses élèves. Là-dessus, c'était Watch Me sur la première. À suivre votre chronique Pourquoi. Vous saurez tout pourquoi le piment pique, pourquoi il poque la bouche, il brûle la langue. Vous en saurez un petit peu plus dans Pourquoi. C'est la suite du duo Stolen Car, Sting et Mylène Farmer sur la première. Late at night in summer heat, expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur s'allume enfin. Nos vies s'enlacent. And we're driving through the night. Oh, le cuir doux s'en mêle. Affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director. Une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit. Tous les mots de sa maîtresse à l'oreille et sous des toits, comme une chanson d'amour. We'll be right back. duo Sting, Mylène Farmer, Solenka sur la première. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Des questions en apparence anodines restent souvent sans réponse. Pourtant, nombreuses sont celles qui cachent un véritable problème scientifique. Pourquoi ? Pourquoi ? Une question. Une réponse. Et une question aujourd'hui, pourquoi le piment pique-t-il ? Nous avons tous déjà mangé un plat un peu trop pimenté. Exemple, rougail de saucisse, un piment la pâte, un piment cabri, et on prend une grosse bouchée et là, c'est le drame. Tout l'intérieur de notre bouche nous semble être en feu. Dans ces moments-là, eh bien, il faut se dire, il est bien difficile de finir son repas tant notre langue paraît brûlée. On a beau boire de multiples verres d'eau et rien n'y fait, et c'est dans ces instants que l'on se pose tous la même question, mais à cause piment il pique. En fait, si le piment pique, c'est surtout à cause d'une molécule appelée la capsaïcine. À cause d'elle, mais aussi à ses congénères de la famille capsaïcinoïde, on ressent cette sensation si particulière. Ce n'est ni plus ni moins qu'une impression de brûlure, puisque ces molécules ont la particularité d'activer les récepteurs de chaleur de la peau. C'est une molécule organique donc peu soluble dans l'eau. C'est pour cela que cela ne sert alors strictement à rien de boire des litres au robinet. Mieux vaut encore un bon verre de lait pour atténuer tout cela, ou même de la crème glacée. Alors retenez-le pour la prochaine fois. Mais la question se pose toujours, mais pourquoi le piment s'est-il doté d'une telle molécule ? Non, rassurez-vous, il ne vous en veut pas particulièrement. C'est tout simplement une sorte de sécurité. En effet, les plantes ont développé cet aspect afin de se protéger de la réaction, de la prédation des mammifères. Et ces derniers, ils sont très sensibles, comme nous, et vont donc éviter de le manger pour ne pas ressentir cette sensation de brûlure. Cela se retrouve également pour le wasabi. Le wasabi, vous savez, c'est cette célèbre moutarde japonaise. Le menthol, lui, active les récepteurs sensibles au froid. C'est pour cela que l'on a l'impression que la menthe, nous rafraîchit. Voilà, maintenant, vous en saurez un petit peu plus pourquoi le piment pique. Vous saurez quoi répondre à cette question la prochaine fois. Allô Première, pendant les vacances, de 8h à 11h. Isabelle Waro. Tous les jours, un chef cuisinier sera là pour partager son bonne recette. 9h, les experts vont continuer à aider Azote avec toutes autres bonnes problèmes, même pendant les vacances. Et puis, je vous donnerai des idées de sortie pour occuper les marmailles. Allô Première, de 8h à 11h. Très bonnes vacances sur Réunion Première. Là, pour tout mon grand monia, tout ça qu'a contrôle, tout ça qu'a tiré les ficelles. Et dans notre misère sous la jeunesse. Il va gagner meilleure vitrine pour le côté, pour le pays qui se jeunesse. Pas négliger ça. Mon grand monia, nous pas cette blâme nous jeunesse, yao. Mon grand monia, nous pas cette blâme nous jeunesse, yao. Pas reprocher ça, ça te pavé plus, yo. Pas y'a faute pas néant, y'a plus yo. Nous jeunes y'a peu dit, y'a saut pas qu'à ouest ça. Zot les femmes au campagne qui zot pas qu'à suivre ça. C'est votre condamné de vivre quoi. Pour nous en veut qui y'en zot y'a perdu la foi. Vous savez qui zaké, choqué de coups à chaque fois. Nous tentez pas les qu'ils zot mais à chaque fois. Zot pas les temps de nous voir. Alors qui à nous a venu peugir à notre lème. Au grand monde. Pas cette blâme nous jeunesse, yao. Mon grand mounia. Pas cette blâme nous jeunesse, yao. Pas reprocher ça, ça te pavé plus, yo. A pas y'a faute pas néant, y'a plus, yo. Jeunesse, y'a gawain, tout calte, bête la télé. A sous le câble internet, nous tout connectés. Et oui, ouvert, à sous le progrès. Y'a pas qu'à banan, y'a jamais, y'a dans tout pays. Ça y est, les affaires big money. Y'a la soie, tout le monde plein. Pas quand y'a pour acheter. Ça y est, les. Sans clé qui chaîne, y'a pas bien dit ça y est. Y'a des coupements, la Guyane, grand tout côté. Tout ce que tu veux, les avancées. Quand y'a des frères qui travaillent, qui fierté. Quand nous y est obligé d'échapper. Rien n'est vrai qu'à travailler, qu'à représenter. Comment tous les bienfaits. Là t'auras fait tout bête tout seul. Au grand monde. Faut pas se blâmer nous jeunesse yao, eh, nos grands mounia. Faut pas se blâmer nous jeunesse yao. Pas reprocher ça saute pas papou yo, eh. A pas y'a pas de bani en y'a pou yo, eh. Nous jeunes y'a pas dit y'a saute pas ka wessa. Ma courrier t'en nous a télé. Sous bon compte dans les deux mille fois. Ça saute, ya ouais y'a juste la vie saute quartier. Ça fait qu'il saque et choque et coup à chaque fois. Ça te l'a fait dit tout seul comment on les bienfaits. C'est pas le temps de nous voir. Alors il y a nous à venir pays. Alors seul demain, nous grand mounia. Yes, I am big up à tout ça qui comme misère sur la jeunesse, tout nous grand mounia. Les mots qu'on coupe à Abdoul. Yes, I des mouns comme Moucha Garon, Akabé, Vito, Mou Créole. Yes, I pas jouer que ça. Yeah, des mouns comme Julia Dami. Tout ce monde a travaillé que ces jeunes-là. Je le fais tant d'enjeux. Yes, I d'en fait ces jeunes à confiance. Tout ce monde qui gagne association, qui travaille red. Yes, I tout ce monde qui craint en nous. Tout ce monde qui bat nous chance. Gaël Vélinien du groupe Créole Cause pour un petit clin d'œil à Joël Ving, La Terre, mon paradis sur la première. Et lorsque l'inspiration manque à nos artistes, eh bien petit détour par le grenier des années 80 pour certainement s'assurer d'un succès commercial. Tel est le cas pour Chris Cab, le disque jockey, et la reprise de Sting, Ex the Police. Englishman in New York, c'est maintenant sur la première dans 5 minutes 13 heures. Can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Watch out! You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. C'est son appel seconde vie pour le gros succès de Sting, Englishman New York. C'était Chris Cab à l'instant sur la première. Vous l'avez demandé au 0600 92 608 335. Petit rappel des favoris, les pronostics de Pascal Maillot pour la prochaine course qui aura lieu cet après-midi à 15h47 à l'Hippodrome de Chantilly pour le prix de Chantilly. C'est une course en haie avec pas moins de 15 partants sur une distance de 3900 mètres. La piste étant en gazon et la tirelire s'élève cet après-midi à 2 900 000 euros. Les favoris de Pascal Maillot, notez-les bien, le 5, London Wall, le 11, Maximo Meridio, le 4, Tigreman, le 10, Sacred Tsar, l'As, Bon Élève, le 7, Babal Chance, le 2, Nomad Attitude, le 6, Beau et Royal, et en cas de non-partant, le 8, April Flower. Je vous rappelle les favoris de Pascal Maillot, donc 5, 11, 4, 10, As, 7, 2, et 6, et en cas de non partant, le 8, l'arrivée précédente de la course d'hier, donc tiercé, quarté, quinté plus, c'est le 2 sur 4, le 14, 17, 6, 3 et 4, 14, 17, 6, 3 et 4, et le numéro plus gagnant, 08, 70, et rendez-vous cet après-midi à 15h47 pour la course. Bon après-midi, bonnes vacances avec Réunion Première. Il est 13h, le journal de France Info. Le journal d'Agnès Soubiran. Bonjour Agnès. Bonjour Marie, bonjour à tous. Les discussions ont commencé pour faciliter l'évacuation du site du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Fort du résultat de la consultation hier en Loire-Atlantique, le gouvernement entend commencer les travaux à la rentrée. Le problème a duré beaucoup trop longtemps, a dit ce matin Ségolène Royal. La bourse de Londres plonge 4 jours après le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Certains outre-Manche commencent déjà à regretter leur choix. Reportage dans ce journal. François Hollande et Matteo Renzi sont eux aujourd'hui à Berlin pour donner un nouvel élan à l'Union européenne. À suivre également le prix du Pass Navigo qui va augmenter. Et parmi les découvertes des festivals de l'été, le groupe catalan Limignanas. Des nuages, de la pluie sur la moitié nord, grand soleil sur la moitié sud. Cet après-midi, il fait plutôt frais pour un 27 juin. 22 degrés à Rennes, Paris et Strasbourg. Cet après-midi, il fera 25 à Toulouse, jusqu'à 32 degrés à Nîmes. Les détails avec Céline Dacosta dans 10 minutes. France Info. Agnès Soubiran. Mais d'abord, l'Euro 2016 et l'équipe de France connaîtra ce soir son adversaire pour les quarts de finale. Ce sera soit l'Angleterre, soit l'Islande. La rencontre a lieu à 21h à Nice. Le quart de finale des Bleus aura lieu dimanche au Stade de France. Les Bleus se sont qualifiés en battant l'Irlande 2-1. Et pour ce quart de finale, Didier Deschamps devra de toute façon modifier son 11 de départ en raison des suspensions de Kanté et de Rami. Sébastien Hazard. Et un casse-tête de plus pour Didier Deschamps. Elle coûte cher quand même cette qualification, comme si quoi qu'il fasse, la défense restait son chantier permanent. En quart, ce sera sans Adil Rami suspendu, le défenseur central tricolore est le premier à regretter de louper ce match. Un quart de finale de Coupe d'Europe, c'est extraordinaire, en plus au Stade de France. Mais bon, voilà, c'est du risque du métier, je suis un défenseur central, ça m'arrive de prendre des cartons. Retour à la case départ, donc Rami a été appelé à la dernière minute fin mai parce que Didier Deschamps ne voulait pas débuter l'Euro avec la paire Mangala-Koscielny dans l'axe. Dimanche, il devra peut-être s'y résoudre, mais ce n'est pas le seul souci. La France va devoir jouer sans son chouchou au milieu, N'Golo Kanté lui aussi suspendu. Les Bleus ne sont pas vernis, note le défenseur Patrice Evra. Depuis le début du tournoi, avant qu'il commence, c'était déjà dur. On a perdu des joueurs sur blessure, des joueurs sur d'autres, pour d'autres raisons. C'est comme ça, c'est le football. La star, c'est l'équipe. Le remplaçant de Kanté est tout trouvé. Ce sera très certainement sa doublure, Johan Cabaye. Sinon, Griezmann a été rayonnant. Dimitri Payet a toujours le statut de sauveur numéro 1. Et Olivier Giroud a pesé. Pas de raison, a priori, de modifier ce trio offensif. Mais de toute façon, depuis le début, ce n'est pas vraiment devant qu'il y a des interrogations. Lyon, Sébastien Hazard, France Info. Et sachez que près de 12 millions de personnes ont regardé hier après-midi le match des Bleus, TF1 captant un chiffre record de 66,3% des téléspectateurs. À suivre également aujourd'hui Italie-Espagne, ce sera à 18h au Stade de France et le vainqueur rencontrera l'Allemagne. La Loire-Atlantique a donc voté oui à 55,17% pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Rappelons qu'il s'agissait d'une consultation. Le taux de participation est supérieur à 51%. Alain Mustière, le président de l'association des Ailes pour l'Ouest, favorable au projet, espère à présent que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sera bientôt prête pour les travaux qui doivent en principe commencer en septembre. Les opposants au projet doivent donc partir sans faire de déglace supplémentaire. J'en appelle aux occupants illégaux qu'ils ont 2 mois pour partir tranquillement et faire leurs valises si on veut bien les aider à partir s'ils le veulent, mais qu'ils partent gentiment. S'ils veulent la force, eh bien il faudrait que le gouvernement envoie la force. Moi je le souhaite pas, mais ils ont aussi trop abusé. Le gouvernement ne peut pas accepter ça. Mais la démocratie, c'est ça. C'est consulter les gens, c'est prendre des décisions et aller jusqu'au bout de ces décisions. L'illégalité n'est pas de mise aujourd'hui. Le président de l'association des Ailes pour l'Ouest, dans le 6-9 de France Info ce matin, le Premier ministre Manuel Valls a indiqué que le gouvernement appliquera le verdict des urnes. Les opposants doivent donc quitter les lieux, estime le chef du gouvernement. Le problème a duré beaucoup trop longtemps, a dit de son côté ce matin Ségolène Royal. Mais ce n'est pas l'intention de Dominique Frénaud, président de l'ACIPA, la principale association d'opposants au projet d'aéroport. De toute façon, moi, je ne m'inquiète pas des propos de M. Valls, parce que M. Valls, il a dit une chose. Si le oui l'emporte, on vide la ZAD et on fait l'aéroport. Mais si le non l'emporte, on vide la ZAD et après, on verra. Eh bien, pour moi, de toute façon, la ZAD, on a décidé de la défendre, nous, de tous ces habitants, de ces paysans qui sont ici. Et ce sont des agriculteurs qui sont là, des fois, depuis des années. Eh bien, on défendra tout le monde, ici, à Notre-Dame-des-Landes. comme on l'a fait jusqu'ici. Et il n'y aura pas non plus une parcelle de déboisé, une parcelle de cultivé pour mettre du béton à la place. On laissera les paysans continuer d'exploiter sur leurs terres. Ne bougeons pas, hein. Il n'est pas question qu'on bouge. On a toute notre légitimité de rester sur cette zone, sur cette ZAD, même s'il reste très peu de paysans qui sont encore directement impactés sur la ZAD. De nombreux paysans continuent à cultiver ces terres et ont besoin de ces terres pour continuer à vivre. Et parmi les réactions politiques ce matin, celle de Cécile Duflot qui parle d'une bataille perdue pour l'écologie. Cette fois, ils vont pouvoir défiler. La préfecture de police de Paris autorise les syndicats à manifester demain contre la loi travail entre la place de la Bastille et la place d'Italie. Le départ aura lieu à 14h. Ce sera la 11e journée de mobilisation pour demander le retrait de la loi El Khomri. Alors que les sénateurs qui ont achevé vendredi dernier l'examen du texte voteront demain sur une version beaucoup plus libérale. Le pass Navigo, lui, va augmenter. Un accord vient d'être signé entre l'État et la région. Le montant de la hausse et le calendrier ne sont pas encore précisés. Il est 11h et presque 6 minutes sur France Info. Les premières conséquences du Brexit. L'Union européenne se prépare à déménager l'autorité bancaire européenne jusqu'ici installée à Londres. Paris et Francfort sont candidates pour accueillir cet organisme important. Le vote des électeurs britanniques pourrait d'ailleurs conduire à la relocalisation dans d'autres pays européens de milliers d'emplois. Et à 4 jours après le vote, certains électeurs qui ont voté pour le Brexit commencent à s'en mordre les doigts. En cause notamment les propos du leader du UKIP, Nigel Farage, qui a reconnu qu'il ne pourrait pas donner à la sécurité sociale britannique les 350 millions de livres versés par le Royaume-Uni chaque année à l'Union européenne, comme il l'avait promis pendant la campagne. Certains électeurs du Leave estiment donc avoir été mal informés. C'est le cas notamment à Newport, au Pays de Galles, une ville qui a voté Leave à 56%. Reportage de Géraldine Allo. Depuis vendredi et l'annonce du Brexit, Zoé Smith s'en veut beaucoup. La jeune vendeuse dans un magasin de téléphonie a voté Leave sans trop se poser de questions et aujourd'hui elle regrette. J'ai voté Leave car je pensais qu'il fallait un changement, mais maintenant que je me suis mieux informée, je me rends compte que c'est un saut dans l'inconnu. J'aurais dû voter Remain. Il y a beaucoup de fausses informations qui ont circulé pendant la campagne. Si on nous avait dit la vérité aux gens comme moi qui ne s'intéressent pas beaucoup à la politique, on aurait été mieux avisés. Dans le seul pub ouvert en ce dimanche soir, les clients regardent le football à la télé. L'œil est distrait, l'esprit est ailleurs. Andrew, juriste dans une entreprise, n'a pas voté jeudi et lui aussi, il regrette. Il faudrait un autre référendum maintenant qu'on connaît les risques. Pourquoi vous n'avez pas voté ? Parce que je pensais que le Remain allait gagner largement. Si on nous donnait une seconde chance, je voterais pour rester dans le lieu. Chris, le patron du pub, serre les dents. Ils n'ont pas voté avec leur tête, dit-il. Le Brexit, c'est un vote purement émotionnel. Tout ce qui les préoccupait, c'était l'immigration. C'était même leur unique motivation. Nous porte Géraldine Allo, France Info. Et François Hollande et Matteo Renzi sont aujourd'hui à Berlin pour discuter avec Angela Merkel des priorités de la nouvelle Europe. À l'ordre du jour, le calendrier de sortie du Royaume-Uni, mais aussi l'avenir du projet européen. Cyril Sauvageau. Il faut se méfier des solutions simples et rapides qui risquent de diviser encore plus l'Europe. Les mots d'Angela Merkel vendredi, après le vote britannique, n'étaient pas choisis au hasard. La chancelière n'entend pas céder à la précipitation. Pour répondre au choc du Brexit, sa priorité sera d'abord de maintenir l'unité des 27 États membres. La réunion des 6 pays fondateurs samedi à Berlin était nécessaire, mais de là à ce qu'un noyau dur de pays fasse cavalier seul à l'avenir, c'est une autre histoire. La proposition franco-allemande d'une union flexible, à géométrie variable, n'est qu'un document de travail, une initiative des ministres des Affaires étrangères, le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier et son homologue Jean-Marc Ayrault. En l'état, la chancelière ne semble pas pressée d'y souscrire. Ce serait un mauvais signal envoyé aux autres Européens au moment où l'Union a besoin au contraire de serrer les rangs. Face aux partisans d'un électrochoc, d'une refondation rapide, Angela Merkel devrait donc plaider la prudence et le dialogue pour laisser le temps aux 27 de dire quelle Europe ils veulent reconstruire. Berlin, Cyril Sauvageau, France Info. Du garage à la grande scène, c'est l'histoire des Lamiñanas, un groupe catalan découvert il y a 6 ans, par hasard, par un label américain. Ils sont ce soir au Trianon à Paris, et tout cela sans perdre de vue le plus important pour eux, leur qualité de vie. Yann Bertrand. Les Lamiñanas sont tout sauf des perdreaux de l'année, et leur musique ne ressemble à aucune autre. Sur la plage, en ébullition. des glacières de compétition. Entre garage, son vintage et rock psyché, Lionel et Marie Limignana, car oui, il s'agit bien d'un couple, ont trouvé leur voie depuis un moment. Toujours installés à Cabestany, dans le pays catalan, ils produisent tout de chez eux. Nous, on peut produire un album pour 2000 euros, ce qui est le budget chips de n'importe quel chanteur.